French in Action, Lesson 23. Leçon 23. À la recherche d'une invitation. Robert est assis sur un banc du jardin du Luxembourg, parlant avec Marie-Laure. Mireille arrive. Elle semble un peu surprise de les trouver là. Qu'est-ce que vous faites là, tous les deux ? On parle. Mais qu'est-ce que vous avez ? Vous avez l'air bizarre. Nous ? On a l'air bizarre ? Bizarre. J'ai téléphoné au Courtois tout à l'heure. Ah oui ? D'abord, je suis tombé sur une dame avec un accent bizarre, que je ne comprenais pas très bien. Ah, ça devait être Conception, Narbonne. Elle est portugaise, c'est une perle. C'est une excellente cuisinière. Elle fait remarquablement bien la cuisine. Marraine aussi, d'ailleurs. Je retéléphone un peu plus tard. Là, j'ai eu Madame Courtois. J'ai aussi du mal à la comprendre. Pourtant, elle n'a pas l'accent portugais, que je sache. Non, mais oulala, si elle parle vite. Et qu'elle est bavarde. Ah, ça, c'est vrai, elle parle beaucoup. Enfin, quand son mari est là, c'est lui qui parle. Elle ne dit rien. Alors, quand il n'est pas là, elle en profite. Je n'ai pas pu placer un mot. Enfin, il paraît que M. Courtois est absent. Il est en voyage. Minouche ne va pas bien du tout. Elle a la migraine. Ou quelque chose comme ça. Elle doit l'amener chez le vétérinaire. Alors, ils ne peuvent pas me voir avant après-demain. Mais elle m'a invité à dîner après-demain. C'est gentil. C'est une excellente personne. Elle a le cœur sur la main. Lui aussi, d'ailleurs. Lui, c'est un bon vivant. Toujours content, toujours optimiste. Il ne s'en fait jamais. Il répète toujours « Ne vous en faites pas, tout ira bien. Ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas de problème. Ça ne fera pas un pli. Vous verrez, tout s'arrangera. Il ne faut pas s'en faire. » Elle, c'est plutôt le contraire. Elle est toujours un peu tendue, inquiète. Elle répète toujours « Ah, tout ça finira mal !» Et lui « Non, non, Bobonne, tu verras, ça s'arrangera. » Elle a une passion pour les chats, qui n'ont jamais eu d'enfants. Lui, c'est un gourmet. Il voyage beaucoup pour ses affaires. Il connaît tous les grands restaurants de France. Et comme Conception est une excellente cuisinière, et Madame Courtois aussi, on mange très bien chez eux. Vous aimez la bonne cuisine ? Ah oui. Eh bien alors, puisque Madame Courtois est votre marraine, vous ne pouvez pas vous faire inviter à dîner après-demain ? Je ne sais pas. Je ne sais pas si je serai libre. Enfin, ça ne dépend pas entièrement de moi. Je verrai. Voilà, excusez-moi, je vais être en retard. Au revoir. Où est-ce qu'elle va ? Mister et Punto Con. Javeline. Jeudi, 31 mai. Robert se promène dans Paris. Il traverse le marché aux fleurs, il passe devant la conciergerie, sur les quais de la Seine. Il est nerveux, tendu, inquiet. Il se demande si Mireille sera chez les Courtois le lendemain. Il entre au musée du Louvre. Il voit un tableau d'un peintre qui s'appelle Robert. Comme c'est bizarre. Il s'appelle Hubert Robert. Bizarre, bizarre. Il passe devant la victoire de Samothrace. Si, papa, pourquoi elle n'a pas de tête ? C'est la victoire de Samothrace. Oh. Robert s'arrête devant la Vénus de Milo. Si, papa, pourquoi elle n'a pas de bras ? C'est la Vénus de Milo. Oh. Il va voir la Joconde, mais il ne pense qu'à Mireille. Est-ce qu'elle sera chez les Courtois ? Vendredi, 1er juin. Robert a mal dormi. Il se demande si Mireille sera chez les Courtois. Il ouvre sa fenêtre. Il fait un temps magnifique. Oui, elle y sera. Il se rase, il se coupe. Ah, non, elle n'y sera pas. Il est 9h du matin. Le dîner chez les Courtois est à 7h30 du soir. Robert va se promener pour passer le temps. Il fait le tour de l'île Saint-Louis, il passe devant l'hôtel de ville, il explore le forum des Halles, il visite Beaubourg, et il se demande si Mireille sera chez les Courtois ce soir. 3 heures, Robert rentre à son hôtel, se change et prend le métro pour aller chez les Courtois. En sortant du métro, il a l'air perdu. Mademoiselle, s'il vous plaît, la tour Totem. Je ne connais pas. Ici, vous êtes à la Défense. Je n'ai pas par ici, je ne sais pas. Merci. Robert reprend le métro, regarde son plan, semble de plus en plus perdu. Il sort du métro. Le quai de Grenelle, s'il vous plaît. C'est par ici. Le quai de Grenelle, mais c'est dans le 15e. Ici, vous êtes à Montmartre. Il faut prendre le métro. Ah non, alors, j'ai pas le temps. Merci. Et Robert part à pied. Il traverse tout Paris à pied. Il marche vite, il regarde son plan, il regarde l'heure, 5h, 6h, 6h30, 7h. Enfin, voici le quai de Grenelle, la tour Totem. Il est 7h29. Il sonne à une porte. Un monsieur ouvre. Pardon, monsieur. Madame Courtois, c'est bien ici? Ah, non, monsieur. Non, Madame Courtois, ce n'est pas ici. Non, vous vous êtes trompé de porte. Madame Courtois, c'est à côté. La porte à côté. Juste ici. Excusez-moi, monsieur. Je suis désolé de vous avoir dérangé. Excusez-moi. Ce n'est pas grave, monsieur. Il n'y a pas de mal. Au revoir, monsieur. Au revoir, monsieur. Il est 7h30. Ouf!